masque du carnaval. Ma silhouette, mon charme fou, ça les embête, ils sont jaloux. Je les entends sur mon passage dire oh, qu'elle est belle. Un gosse a dit papa, je la veux pour mon Noël. Je me plains.